L'enseignement commence. Tunampikia merci sana. Nous vous disons merci. Mobote mulichika kwa invitation. Vous tous qui avez répondu à l'invitation. Invitation ya Baba Mungu wenu. L'invitation de Dieu votre Père. Je vous rassure que Nakikishia kwamba. Biakori hapo na kwa ni kunyumba ya Mungu. Certainement ici vous êtes venu à la maison de Dieu. Aina nyumba ya mtu. Ce n'est pas la maison d'un homme. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de te concentrer pour sentir la présence de Dieu. La présence de Dieu, nous l'avons chaque jour. Nous ne sentons même dans nos veines. Amen. Nous la sentons à tout moment. Et quand nous venons à l'église, pour nous c'est le grand rendez-vous, la grande fête. Nous commençons aujourd'hui un enseignement très très important. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il y a une sœur qui m'a parlé d'une vision semaine, je voudrais qu'elle la donne. C'est par rapport à cette vision que nous allons donner un témoignage et continuer avec l'enseignement. Sœur, nous sommes une église réellement conduite par le Saint-Esprit. Nous le citons sans raison. Certainement, il nous conduit. C'était le vendredi. Le vendredi, il y a une église, sa flèche. Il y a une église, Congo y a Mujima. Et puis, il y a une océan. Ma bâtiment ya minene, j'ai vu ça et puis mi je connais destination pas chez église Fikia mais renda mbari ce que j'ai vu. Gloire au Seigneur. Amen. C'est une vision très importante. Ni onye moji ya muhimu. C'est cette vision qui fait que nous avons un grand témoignage aujourd'hui. Ni le onye na finya kwamba tunakuwa na ushuhuda kubwa leo. Tulileta msemaine que nous avons donné en semaine. L'église a une année et demie. Kanisa inakuwa na mwaka mmoja na kipande. Dans ma pensée à moi, il fallait nous fournir 3 ans et demi. Je devais enseigner durant 3 ans et demi. Comme le Seigneur Jésus l'avait fait avec ses disciples. Amen. Amen. Sans les introduire dans de prières intenses, ils ne faisaient que les enseigner. C'est la vision que moi j'avais. Et j'ai commencé avec cette vision-là. Je me dis, après 3 ans et demi, je vais consacrer les frères. Et je vais les envoyer comme le Seigneur Jésus les avait envoyés. C'est Jésus qui est le modèle du pasteur. Amen. Amen. Aïna Pierre. Ce n'est pas Pierre. Amen. Amen. Pierre, Pierre a imité le Seigneur Jésus. Mais, comment on a fait Pierre? Mais si vous suivez l'enseignement de Pierre, et qu'on a il nous dit de Alléluia. Ressembler à Jésus. Aïna Paul, je référence. Ce n'est pas Paul qui est la référence. Voilà pourquoi lui-même nous dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Alors pour moi, il reste encore 2 ans d'enseignement. Mais arrivé à 1 année et demie, je sens l'esprit me pousser à consacrer tout le monde à l'église. Alors un vendredi, j'ai prié pour consacrer tous les fidèles de l'église. Que chacun aille annoncer ce que je lui ai enseigné durant ces jours. Dans cette église, même si tu venais pour un jour, tu entendrais, est important, tu peux aussi l'enseigner. Pour nous, chaque culte est important. Amen. Dans chaque culte, il y a un message que tu peux annoncer ailleurs. C'est la vision qui nous conduit. Alors j'ai prié. une maman au sein de l'église. Maman Mojam Kanisa. Yana Shkandani Ak. Elles sont au fond d'elle. Dans la prière que j'avais faite. Le pasteur dit que n'aille ouvrir des paroisses. Je n'ai pas dit ça. J'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Pour le maman déjà naïta bantu kuloja. Cette maman appelait des gens à Lodja. Elle appelait des gens à Mbujimaï. Elle leur a donné le message que nous avons. Ils sont déjà touchés. Celui de Lodja. Dis-moi. Je dispose ma maison pour que vous établissiez une église. Ceux de Mbujimaï sont aussi prêts. Ils attendent qu'on ouvre l'église. Alors ceux de Mbujimaï vont ouvrir l'église. Vendredi. Le vendredi. Lui en a quoi? C'est lui qui vient avec l'affaire de l'Ikasi. Maman moi me fait. Une maman l'a suivi. C'est ma couille. Il vient. M'pango yoyi. Voici un parcelle. Construit une église. Donc déjà dans une année et demie. Moi comme moi j'en ai pas. Nous nous retrouvons avec le projet de trois paroisses. Trois paroisses à Kufungula. Non, maintenant je m'accanise à tant que Kufungula. C'est ces paroisses-là qui vont nous préoccuper pendant ces 6 mois. Amen. Nous allons nous organiser sérieusement pour que Makanisa ifunguke kule. Et puis ifunguke yendele paka sa vie unendele. Qu'elle s'ouvre, qu'elle prospère comme celle-ci le fait. Moi j'ai toujours dit à mes enfants. Il est ma butumisha unanza kanisa une année après on a bantu 10 à pana et bon. Après une année tu n'as que 10 fidèles, ça je le refuse. Vous savez pourquoi? Parce que le message de Jésus. C'est un message de foule. C'est le message le plus puissant qui puisse exister. Donc, là où Jésus-Christ passe, il annonce son message. Le cœur des gens sont bouleversés. Voilà pourquoi quand l'église a commencé, elle a évolué à une très grande vitesse. Parce que c'est un message puissant. Si tu te dis que tu annonces l'évangile, plusieurs personnes ne sont pas converties. De mentir, tu prêches ce qui est à toi. L'évangile, c'est un message très puissant. C'est un message qui draine des foules. Alléluia. Ça draine des foules. Si quelqu'un n'est pas convaincu par ce que tu dis, il sera convaincu par tes œuvres. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, notre évangile ne consiste pas en paroles seulement, mais en démonstration de puissance et d'esprit. Même si je ne parle pas bien, mais si j'ai l'évangile, la puissance m'accompagnera. Si tu n'es pas convaincu par mon langage, mais néanmoins tu seras guéri après m'avoir regardé seulement. Ça c'est l'évangile. Alors, quand moi je pense au message des apôtres, je vois un message qui draine des foules. Amen. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Tous les hommes soient sauvés. Alors, pour y arriver, Dieu a laissé un message puissant pour atteindre cet objectif-là. Voilà pourquoi moi je crois fermement que dans très peu de temps, nous serons des milliers. Amen. Je crois. Parce que partout où nous passons, qu'est-ce que ceci que nous entendons? On dirait que c'est du nouveau. Ça y est. Le diable a peur. Il ne veut pas que les gens entendent l'évangile. Parce qu'à chaque fois, il sait que s'ils entendent l'évangile, ils vont lui échapper. quand l'église a commencé, le diable a perdu beaucoup d'adeptes. Il a perdu beaucoup d'occultistes. Il a perdu beaucoup de sorciers. C'est ça l'évangile. Gloire au Seigneur. Et nous, nous allons travailler. Et quand on va commencer ces paroisses-là, ils prospéreront comme celle-ci le fait. Nous enverrons un frère là-bas dans une année. Au moins comme Modja. Tout l'état bilan. Il nous fait le bilan. À chaque bamba, 300. Il a déjà réuni 300. La deuxième année. Dans moi, quand il bilan. En fond, il y a déjà 500. Il aura réuni 500. Quand mon frère en Ndakoule dans une année, si on a tout 50, tout le monde riche. On va là-bas, au bout d'une année, il n'a que 50. Tu as sa formation à quoi, Yahish? Ramenons, disons, ta formation n'est pas encore terminée. Ce que tu prêches est encore erroné. Tu ne vas pas nous tromper. Dis-moi, je prêche. Ce sont les gens qui ne se convertissent pas. Non. Tu n'es pas le premier à prêcher. Pourquoi? Puis à prêcher, les gens se convertissaient. Quand tu prêches, les gens ne se convertissent pas. Pierre, hein? C'est que toi et Pierre, message, vous ne donnez pas le même message. Et tu, accepte donc. Ministère, moi, de consoler, ministère où tu te consoles. Ça, moi, j'ai fait ma part. Tu dis, mais non, c'est moi, j'ai annoncé les messages. Oui, bon, je peux pas incrédule. C'est eux qui sont incrédules. D'ailleurs, la Bible dit, je leur donnerai des oreilles pour qu'ils n'entendent pas. Je leur donnerai des yeux afin qu'ils ne voient pas. Il est dit Israélite. Ça concerne les Israélites. Les nations. Ma taïfa. C'est un jour qui est prêt. C'est le Seigneur Jésus qui dit. Le champ est déjà prêt. C'est à toi d'aller moissonner. Labourer, moissonner, qu'est-ce qui est aisé? Tout le monde aime moissonner. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime prendre la houe. Quand à la période de labour, tout le monde s'endort. Mais quand le maïs est dur, on a envie d'aller récolter. Donc quand l'œuvre de Dieu est aisée. Alléluia. Alléluia. Quand on a labouré, nous n'étions pas là. Quand on a semé, nous n'étions pas là. Quand on avait arromis de l'engrais, on nous appelle quand le champ est prêt. Et nous avons tout ce qu'il faut pour renverser les forteresses. Nous avons tout ce qu'il faut. Dieu a mis un bant comme tu as semé, il a vini kaivi, il a vini ka. Soit pressé. On a tout ce qu'il faut. La parole. Neno. Le Saint-Esprit à notre disposition. Les anges sont là. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Nous avons tout ce qu'il faut pour convaincre. Alors ça, c'est un grand témoignage qui m'a vraiment fortifié. Le Seigneur est avec nous. Dans cette église, même si tu refuses, quand tu viens pour la première fois, il est parti, c'est un rapport sur la lecture de la Bible. C'est déjà la fin du sixième mois. Ceux qui font un mois doivent donner le rapport. Ceux de deux mois doivent également donner le rapport. Ceux de trois mois. Quatre mois. Ceux de quatre mois. Non, trois mois. Six mois. Six mois. Et ceux de six mois. De Léon, le rapport est à Ima groupe 4. C'est le rapport de tous les quatre groupes. Les responsables prenaient des précautions. Dieu a rapport. Dieu a coulé temps et ça. Je vous ai expliqué pourquoi je vous pousse à lire la Bible. Il va facilité ça vous gagne en secoue ma question ma Bible. J'ai eu une vision qui m'a beaucoup fortifié. Il n'y a pas ta onyemoye jalimiti angovo. Et qui m'a poussé à vous dire lisez. Et ni secoue ma promesse mousomé. Gloire au Seigneur. Amen. En semaine, nous avons dit Bon, nous avons terminé avec les conseils aux lecteurs. Tuliisha na mashauri kwa wasomaji. Et nous avons dit ceci. Na tulisema hivi. L'œuvre de Dieu est le seul sujet de joie permanente. Kazi ya Mungu ndio kishina kimoja cha furaha isiyomalizika. L'œuvre de Dieu. Kazi ya Mungu est le seul sujet de joie permanente. Alléluia. Tous le reste de choses que nous recevons. La joie est éphémère. Même si on te donne un nouvel habit. Tu vas te réjouir quand tu le reçois. Et quand tu le portes. Quand tu vas le porter la deuxième fois, cette chose que tu as prouvé la première fois, tu vas plus l'éprouver. Même si tu as une voiture, toute voiture qui est la voiture qui est en or, tu seras étonné. Peut-être les larmes couleront. C'est de l'argent que tu éprouves. Et tu es en marche, tu roules. Tu veux que tout le monde apprenne que la voiture est en or. Ils ne sont pas étonnés. Mais après quelques jours, qui que tu as éprouvé le premier jour, disparaître la voiture sera ordinaire. Même le mariage, il en est ainsi. Tu vas t'empresser, tu te maries, et puis tu trouves que la vie continue. Tu ne vas pas éprouver cette joie-là. Quand je vois la robe, du jour où tu étais en robe, et blanche, on chantait, hein? Toi tu entrais dans l'église. Et c'est fini. Après cela, vous vous regardez dans le mariage. Celui-ci fait la vaisselle. Celui-ci lit un livre. L'autre regarde un film. Mon chien ensemble fait des projets. Il est malade. Si tu avais prouvé le premier jour. Le mariage, c'est ici. Bien au avec une joie permanente. Les choses ici n'ont pas de joie permanente. Même si tu trouvais une maison. Même si tu trouvais beaucoup d'argent. J'ai surpris beaucoup de gens en semaine. Vous voyez l'argent. Quand tu demandes à Dieu de te donner de l'argent, c'est comme si tu demandais à Dieu de t'ajouter des problèmes. Dieu ne donne pas l'argent sans problème. Plus l'argent augmente, plus il augmente aussi les problèmes à résoudre avec cet argent. Ceux qui ont 5 000 $, ils ont des problèmes qui demandent 5 000 $. Quand Dieu te donne de l'argent, il ajoute un problème à résoudre avec cet argent. Mais toi-même, tu te rendras compte. Même si l'argent augmentait, mes besoins personnels ne vont pas augmenter. Comme on a couru à deux boules. Si tu manges deux boules, tu mangeras deux boules. L'estomac ne va pas s'agrandir. Comme si tu as un corps économique. Le mien, un corps économique. Même si tu as de l'argent, plus ma dollar qu'on a couya, plus le ventre donne. Ni ma billet tout. Ce sont des billets. Comment utiliser Léo? Si tu ne les utilises pas aujourd'hui. Quel choix t'as pas ta téléphone et demain. Et on a kirio. Tu recevras un coup de fil d'un frère qui a un deuil. Tu vas lui donner. Il n'y a rien. À part kuyangari tout. À part les contempler. Et puis que ce et puis dire. Il y a rien. J'en possède. À qu'on a kito. Donc, l'homme mungu makuta. Si tu demandes à Dieu de l'argent, yuasema, sache que derrière l'argent, il va amener des problèmes que tu devras résoudre avec l'argent que tu as. Voilà pourquoi chaque fois quand tu as l'argent, précipite-toi pour servir Dieu. Qu'on a fait deux jours au nyumba, deux jours à la maison. Un seul jour. Parce qu'il appelle moi nakuya kani kani Chikapa qui vient de Chikapa. Mie Joe Fulani, unona. C'est elle. Baba kominjo mirumuri pia kama somo. Ton père c'est moi qui ai supporté ses études. Ni kusema hivi. C'est-à-dire. Ni una mulokwa kwa pa mulokwa kwa yeye. J'ai ton jeune frère ici. Et on a mam. Qui a un problème. Je voulais m'agouter neshak. C'est ainsi que l'argent. Fois si tu n'as pas ta fura ya shipo mwifu. Mais là où nous puisons la joie permanente. Ni mukaji ya Mungu. C'est dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Surtout quand mon enfant cage à Mungu, il a produit. Surtout quand vous faites une œuvre de Dieu productive. Chaque jour vous serez rempli de joie. Chaque jour vous serez rempli de joie. C'est une source de joie permanente. Chem ya fure sur mes entrons dans l'œuvre de Dieu. Partout ailleurs, il n'y a rien d'important. Donc, ce que tu as, et offre-toi toi-même à cause de l'œuvre de Dieu. Sache qu'il y a ta joie. Nous parlons du Saint-Esprit. Introduction. Il y a trois grandes promesses faites à l'humanité tout entière. Trois grandes promesses faites à l'humanité tout entière. La première grande promesse, c'est la promesse du Messie. Alléluia. Amen. La promesse du Messie. Dieu a promis à l'humanité Mungu aliahidia ulimwengu qu'il enverrait un sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Depuis la chute d'Adam, toka kuanguka kwa Adam katika zambi, l'humanité attendait Jésus. Ulimwengu ulikuwa unamchunga Yesu. C'est la grande promesse de tous les temps. Ni hadi kubwa ya nyakati zote. Cette promesse s'est accomplie. Hii hadi litimizika. Avec Marie, kupitia Maria et Joseph. Joseph. Joma instrument mbili Mungu alitumia njia accomplissement les promesses. Ce sont les deux instruments que Dieu a utilisés pour l'accomplissement de cette promesse. Ni Joseph tout. C'est Joseph. Marie anaingilia mu. Marie y est immiscée comme ça. Mwenye wa promesse ni Joseph. Celui qui a la promesse c'est Joseph. Mino neshaka ba étudiant yangu asem. Je dis à mes étudiants que la promesse du Messie était là. Mais il y avait deux signes. Le premier signe, il viendra de la maison de David. Le deuxième signe, il naîtra d'une vierge. C'est fini. Où les vierges? Cette vierge, on n'a pas dit que ce sera Marie. Mais Marie a toqué là, Mouji. Comment Marie apparaît là-dedans? Marie Artokela, vierge choisie, njou armuchikaka Joseph. Marie était une vierge choisie parce qu'elle avait accepté Joseph. Kama Maria, si Marie arimangaraka Joseph, avait regardé Joseph, mangaraka bilato, regarde ses chaussures, anam pandish, et le toise. Ça, c'est quoi ça? Ma pani nini? Moi j'attendais un mari. Mimi azamchunga bwana. Je ne vois que la barbe là. Apa miona paka mandevu. Marie ne devrait pas alors, dans ce cas, engendrer Jésus. Elle ne devrait pas engendrer Jésus. Alléluia. Amen. C'est Joseph qui avait la prophétie. Yosef njalo kwana ile. C'est Joseph qui était de la maison de David. Yosef njalo kwa munyumba ya Daudi. Alléluia. Amen. Quand la femme entre dans la vie d'un homme, wakati mwanamke anaingia maisha ya mwanaume, elle va bénéficier des promesses de cet homme-là. Atafaidikia mahali ya yule mume. Elle va aussi cet homme, elle va aider cet homme-là à voir l'accomplissement de certaines promesses de la part de Dieu. Atamsaidia yule mtu kuona kutimizika kwa mahali nyingine kwa upande wa Mungu. Ndio pale il faut kuchika bwana kuna promesse kuliko bwana kuna maguta. Voilà pourquoi il faut accepter le mari qui a une promesse que celui-là qui a de l'argent. Kama frère moi nakufuata. Si un frère vient te demander la main. Tu te renseignes combien? Tu te renseignes un peu. Apana kutafuta kuya kama afunda masomo. Ne cherche pas à savoir s'il est instruit. Ou bien kama kwa wewe kuna maguta. Ou si il est dans une famille aisée, riche. Tafuta kuyua. Cherche plutôt à savoir s'il y a la promesse de Dieu, s'il est avec c'est Dieu. C'est tout. L'homme qui a Dieu, unamuchika, tu l'acceptes, unaingia Mungu. Alors tu entres en Dieu. Ule kuna makuta. Celui qui a l'argent, makuta tu. Il n'a que l'argent. Lui, si tu l'acceptes, unaingia makuta. Tu entres dans l'argent. Est-ce que tu vas trouver le bonheur dans l'argent? Le bonheur est en Dieu. Petite parenthèse que j'ai ouverte pour les sœurs. Fermez les yeux. L'homme a accepté celui-là qui est la promesse de Dieu. Et celui qui est avec Dieu. Que les chaussures ne vous leurrent pas. La beauté physique ne puisse pas vous accuser. Que ça ne vous leurre pas. Au lieu d'accepter un frère, tu vas dire à tes amis, comment trouvez-vous que j'accepte cet homme-là? Tes amis disent, ouvre les yeux, il ressemble à un singe. Il faut que ton mari, quand tu te promènes avec lui, que l'on dise celui-ci est convenable. Ce n'est pas seulement le spirituel. Il est ma fondation, il y a banco. Ça, c'est un faux enseignement de démon. Le bonheur d'une femme n'est pas dans la beauté de son mari. Il y a un homme qui a une amour mumewake. Cette beauté va t'aider justement le jour du mariage et sur les photos. Quand on est WhatsApp. Quand on met sur WhatsApp. Tout le monde. Ceux des États-Unis sont ébahis. Canada, ceux du Canada également. Japon, ça, ceux du Japon. C'est fini. Mais on est là, ça n'a pas. Un coach. Qui n'a pas de veste et qui arrive en culotte. Orgueilleux mais beau. Il ne passe à ta porte mais il est beau, il a une beauté éclatante. Tu te rappelleras ce frère qui s'avait demandé la main. Il dit non, si je l'avais accepté. Plusieurs sœurs pleurent aujourd'hui. Ok, nous parlons du Messie. Quand on a semé un Messie, c'est la première grande promesse faite à l'humanité. Il est balifonicia wa le Messie. Messia. Cette promesse est accomplie. Il a dit timizika avec Marie et Joseph. Moja na Maria na Joseph. Jésus est né. Yesu alizaliwa. Il a grandi. Alikomala. Il a accompli parfaitement sa mission. Na alitimiza kwa ukamilifu kazi yake. De mourir. Ya kufa. Pour le salut de l'humanité. Mais quand lui il est venu, avant de rentrer, il a fait deux grandes promesses. Amen. Il a laissé deux grandes promesses à l'humanité. La première grande promesse, c'est la promesse du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit. C'est la première grande promesse faite par Jésus-Christ de Nazareth. Et la deuxième grande promesse, son retour. Amen. Son retour. La promesse du Saint-Esprit s'est déjà accomplie. Il ne reste qu'une seule promesse. De tout ce que nous voyons, ce sont les conséquences de l'accomplissement de cette promesse-là du Saint-Esprit. Qui commence avec la prophétie de Joël dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Amen. Prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Banani baron ma vision à part la gloire ranza kuimba. Moi j'ai des visions pendant que la gloire chantait. Levez-vous. Veuillez lever vos mains vous qui avez eu des visions pendant que la gloire chantait. Taïta kota bawiri ba c'est le accomplissement de la prophétie. C'est l'accomplissement de la prophétie. Je viens en inviter deux. John, vous deux passez seulement. Ma vision, donnez les visions que vous vos avez. Vos jeunes vues. Gens auront Vijana des visions. Quand la gloire chantait les cantiques de l'eau naturelle, j'ai vu un monsieur qui a rangé de la terre. Et il y avait d'autres à côté qui ramassaient des feuilles, tout ça. J'ai entendu une parole qui m'a dit, lorsque vous écoutez, Dieu arrange les chemins. Et puis, lorsque vous écoutez, Dieu arrange les chemins. Donc, pas la gloire, ranza kuimba. Ou bien tu as mis le ranza kufanchik. Mungu anaanza kutengeneza kwa njia yako. Kama Mungu anatengeneza manjia, ni kusema njia ma domaine yote. Atoko ulikuwa besoin na makuta, njua sasa Mungu anatengeneza njia. Hata ni butumishi ulikuwa na besoin mtumikie Mungu, pia Mungu anatengeneza njia. Et c'est ce que le Saint-Esprit faisait quand la gloire chantait. Deuxièmement, quand la gloire chantait la chanson de En attendant, j'ai vu un ange qui est descendu ici devant. Il a commencé à dire, je vous ai donné le pouvoir. Il a répété ça trois fois. L'ange qui est descendu, Malaika qui a dit, je vous ai donné le pouvoir. Wapa uwezo. Si Malaika anasema, je vous donne le pouvoir. Anasema, niliwapa uwezo. Moi, ni kufani. Que devez-vous faire? Kusema amen. C'est de dire amen. Et kwenda kutumikisha. Et d'aller l'utiliser. Kwiche kasema nakupa pouvoir. Dit admettre que t'as donné le pouvoir. On pigue Mungu mikono. Acclamez le Seigneur. Nakupa. Oh Seigneur. Nakupa pouvoir. Il vient de te le donner. Bantu bengine banakotolaka. Certaines personnes font erreur. Mungu anasema, Dieu dit, mina mikaburia pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Ya anashimama na mwangalia Mungu. Se lève et regarde Dieu. Asema mishaombata. Je n'ai pas encore prié. Apana. Non. Tani pambiombie vile je. Comment tu vas me donner si promptement? Mala mwana ngama. Lui va s'agenouiller. Papa, donne-moi. C'est vrai, tu m'as dit que tu m'as donné, mais donne-moi. Ni quoi lui sont ni par la qui ni paix. Ça n'a pas de c'est sens. Vrai, tu m'as dit que tu m'as donné. Mais donne-moi. La donne-moi le pouvoir. Donne-moi le pouvoir. Donne-moi le pouvoir. Ça, c'est l'incrédulité. Il faut croire. Il a dit si Dieu dit mina kupa, on a dit amen. Dis, je te donne, tu dis amen. Amen. Amen. Peut-être. Nikafano nini? Tu demanderas que Anezu kuonesha wende ina kabria. Wende kafano i na i. Tel était l'autre chose. Quand Jésus-Christ avait appelé les apôtres. Quand il solita mitume. Anasema je vous donne le pouvoir. Ambien n'a pas uwezo. Arbonesha nakaji. Il a indiqué l'œuvre. Nami pas pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Ya fukushama mpepo. Chasser les démons. Ya de guérir les malades. Endeni. Aller. Mukatangaze. Annoncer. Habari njema. La bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Vous en aurez besoin. Mutaitajia. Vous aurez besoin du pouvoir. Le Seigneur vient de vous le donner. Ichika. Mungu merci. Seigneur merci. Nirikuwa na pouvoir leo na nyongezea. Aujourd'hui tu as. Nikusema kwanza leo mambo ya sasa na njama maisha. De nouvelles choses commencent. Isimani kulanza ntamtumikia Mungu vile shamtumikia. Je servirai Dieu comme je. Parce qu'il vient de me donner le pouvoir. Anatoka kunipa uwezo. C'est ça la foi. Njoo imani ile. Il ne faut pas dire à Dieu comment je l'aurai. Il a dit, je viens de te donner. Moi, je fournis mes efforts. C'est la foi en ce qui est écrit tel que c'est écrit. Quand je lis que on dit ceci, le Seigneur fait de ses serviteurs des flammes de feu. Je suis serviteur, oui ou non? Ah, merci Seigneur. Asante, parce que je suis une flamme de feu. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est écrit. Je ne dirai pas à Dieu fait de moi une flamme de feu. C'est écrit. On dit que tu es saint. Mungu merci. Merci Seigneur. Je t'aime Mungu ça Mungu nikuya mtakatifu. Je ne dirai pas à Dieu de devenir merci saint. Merci Juniko. Merci parce que je suis saint. Pengine nikumuliza mtakatifu ni buvivre je. Maintenant je pourrais lui demander comment on connaît la sainteté. Alors il te. Je t'aime Mungu nikuya mtakatifu. Balandika sema huko que je devienne saint parce que. Et puis oula nasema ni Mungu. Ana mama angu. C'est Dieu, ce n'est pas Ana baba angu. Ce n'est pas mon père. Kama Mungu anashilandake. Dieu ne ment jamais. Kama nasema uko nguvu. Si dit que tu es fort. Uko nguvu ichika. Donc fort. Merci Seigneur. Accepte, merci Seigneur. Imagine que tu mina teswak. Dans tous ces jours je souffre. Na wajaka sema shina nguvu. Je me croyais faible. Kumbe ni kunayo. Et pourtant j'ai la force. Ana ramuka deja mala moya. Je lève déjà. Ça merci Seigneur. Et je dis merci Seigneur. I nguvu ni fana ni nsa. Que ferai-je maintenant de cette force? Ingrio wa depa. Ingrio wa depa. Vas-y par là. Acha kunipa. Il me l'a déjà donné. C'est ça la foi. Il est un Dieu imani. Je toujours dit ceci aux gens. Mouchifane imani asas. Imani quoi quoi déjà. Ne criez pas une nouvelle foi. La foi est déjà là. Une confiance ferme dans ce que Dieu dit que tu es. Et qui est déjà écrit. Cette parole est appelée la vérité. La vérité. C'est que tu es saint. La vérité. C'est que tu es une flamme de feu. La vérité. C'est que tu es un enfant de Dieu. La vérité. C'est que tu es un homme heureux. C'est écrit. La vérité. C'est que tu as tout en Jésus. Paul, lui, il a cru seulement. Et il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ce qui fait la force de la foi chrétienne. Parce que les écrits contiennent la vie et la puissance. Mais ibingine biku makoran wapi nini manani? Nimisemo tu. Ce ne sont que des paroles. Jésus dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Tu es ce qui est écrit. Amen. Amen. Tu es ce qui est écrit. Tu n'es pas ce que tu vois dans le miroir. Tu n'es pas ce que les autres disent. Tu es ce qui est écrit. Crois. Oui, les jeunes gens auront des visions. Nous connaissons le micro, tu es chef vision, Arion. Amen. Parle la gloire à Ranza Kouimba. Minaona tout d'un coup ma muriote inanguka pas inanguka, il y a eu un grand calme au Mont-Sal. Et puis j'ai entendu et je suis en train de l'entendre voix moi ikuna toka yanguvu ikuna toka ça mon ma bruit à tonnerre ikuna cheka ikke kolon taike katule taike ini no saike kakos sema mswahili ikke kina taike. Bien quoi il est on a échiqui à y voir. Na apa non a sema yego na échiqui. Na y maubiri non a leta. Yego na échiqui à mouiner voir. Effectivement quand la gloire chantait il y a eu des choses qui se produisaient. Amen. Ibibamba shibinanguka. C'est un message que Dieu vient de confirmer à l'Église. Esa bantu bote batayuwa sema ikanise kuako. L'église, na message a bien quoi dit quoi. Et le vrai message existe. Alors bibamba chez kwanguka déjà. Chez kwanguka binap. Amen. N'existe plus. Bija kwanguka. Ils sont déjà tombés. Na ile sauti na shiki. Et cette voix que l'on Dieu le sauti bantu bantu batanda kushiki après kibamba chez kwanguka. On entendra après que ce mur soit tombé. Mire on a vision moya. J'ai vu une vision. Il y a deux jours. On a commencé si kumbi. Non, pas deux jours. Hier, à la maison, quand j'ai prié, j'ai vu une vision. On a ça, mon tour, on a piqué. Quelqu'un prie par, ce sont les mamans qui connaissent bien ces choses. Je connais le chemin qu'on a tout cas, on a fait ma sauce. Il monte quand vous priez, vous faites de la sauce. Il est en tout cas, si on a odeur, il faut attendre ma main. Selon ce que tu as mis là dedans. Mais non, elle est chmoka, vient à odeur. Cette fumée, il connaît, il connaît. Qui s'en allait? Il connaît un mampoi à bantu. Et qui entrait dans les narines des gens. C'est ça, mon goût. Ni mambo kani, minon. Seigneur, qu'est-ce que je vois? À savoir, on a chiqué à odeur yangu. Ils sont en train de percevoir mon odeur. Nabataku ya kule wiko. Il vient. Tabatuma. Où tu es? Je laisse à mon goût ce vieux. Je dis que Dieu soit loué. Bantu batashika odeur ya Mungu bena fuata iko wapi bana fika odeur et la suivront. Je vais te faire chika je. C'est comment ça se fera? Mais milongo mimi na mini. Batashika odeur ya Mungu. Percevront l'odeur de Dieu. Na batai fuata kule iko. La chercheront où elle se. Ni wapi ni wapi ni wapi ni wapi ni wapi ni wapi. Où est-elle? Bana ngeba fizi bana fika. Ils sur fizi et arriveront. Là d'abord tout le monde dit dans ce quartier que fois je peux comme on parle là moi odeur ya mungu ça fixe c'est que l'odeur de Dieu c'est déjà ça naï bamba chi benanguka leo le mur qui vient de tomber aujourd'hui ah odeur nenda mba alors l'odeur va encore plus loin donc tu dis me dis préparer pour pokia tena bantu ba mingi sang recevoir encore un grand nombre de gens maintenant il les voit ikona cheka sana ikona cheka sana pale kuna cheka ikona shikirika mafashi ya mingi ke kuku mtu mwa ikona cheka na sauti ya nguvu. Maintenant le Seigneur m'a dit ceci. Il vous a pris bana yambia sema bana mitosha hapa pa cher. Maintenant le Seigneur anasema je suis venu vous enseigner et après cet enseignement sous le Saint-Esprit il y aura la paix mu maisha ya bantu na ma ministère ya bantu itatumika selon la connaissance du Saint-Esprit. Le Seigneur vous a mis, a dit vous aussi vous devez apprendre. Et après par l'enseignement du Saint-Esprit Naïcha, je vois Mandi, il y avait beaucoup de foule, chacun voulait mon Mandi. Chaque enseignement dans cette église a sa particularité. Nous commençons l'enseignement sur le Saint-Esprit. Nous continuons même en semaine. Mercredi, jeudi, à partir de 16h. Vendredi, à partir de 10h juste. Ça sera un enseignement de 8h du temps. 10h, mon akouya. Venez, nous commençons à enseigner. Tunaisha 18h. Et nous terminons à 18h. Voilà, commenceront les vendredis de ces jours. Alors, la deuxième grande promesse, c'était le Saint-Esprit. Et tout ce que nous voyons, ce sont les différentes manifestations de l'accomplissement de la promesse sur le Saint-Esprit. C'est que les gens se convertissent réellement. Les jeunes gens reçoivent des dons. Pourquoi reçoivent-ils des dons? C'est pour faciliter l'expansion du message. Voilà pourquoi dans l'enseignement sur le Saint-Esprit, on va parler des dons du Saint-Esprit. Parce que Kubantu Bengine, car il est certaines personnes qui ont déjà reçu le don, mais ignorent qu'elle possède le don. Parce qu'il n'a pas toute la connaissance sur le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. J'aime le premier verset. Qui dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc nous devons avoir une connaissance parfaite sur le don du Saint-Esprit. Comment fonctionne le don de parler en langue? Comment fonctionne le don de prophétie? Comment fonctionne le don de foi? Comment fonctionne la parole de connaissance? Comment fonctionne le don de discernement des esprits? La prophétie, c'est un don vraiment très vaste. Amen. Amen. Il n'a pas un domaine à mingi sans. Touche plusieurs domaines. Voix audible. Prophétise, il entend une voix audible. Qui entend une voix au fond de la cœur qui monte. Benatabiri par conviction. Il prophétise par conviction. Kukubale ben on a pas un message mon vision. Il y a de cela qui reçoivent des messages par des visions. Kuku vision ya kufunga ucha kufunga macho unaona. Tu as les yeux fermés, tu vois. Unaona mambo kuri ya nje unaiona. Kuma vision ngine ni tu ne pas ta mandote. Que nous recevons dans des songes. Kuma vision ngine Il y a des visions que nous recevons dans notre esprit. Tel que tu me regardes. Je vois une vision. Une image qui se présente à ton esprit. Un homme peut avoir un don spirituel, mais ignore. Mais il l'a déjà reçu il y a longtemps. C'est aussi un enseignement que nous devons tenir. Donc c'est un enseignement qui nous prendra beaucoup de temps. Je ne serai pas pressé. Je vais prendre tous les domaines. On va parler de comment recevoir le Saint-Esprit. On va parler de la plénitude du Saint-Esprit. Comment éteindre le Saint-Esprit? On va parler du baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de domaines. Ça, c'est la deuxième grande promesse faite à l'humanité. Elle est déjà accomplie. Amen. Alors, ces deux grandes promesses, le Messie, Messia et le Saint-Esprit sont là pour préparer les humains à l'accomplissement de la troisième promesse. Amen. Amen. Le Messie et le Saint-Esprit sont là pour aider les humains à voir l'accomplissement de la troisième grande promesse. Le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Kurudi kwa Yesu Kristo wa Nazareth. Ile basha kwa njika mu Jean chapitre 14. Ce qui est écrit dans Jean chapitre 14. Bwana Yesu anasema. Le Seigneur Jésus dit. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Kuna kwa makao mengi mu nyumba ya baba yangu. Je m'en vais vous préparer une place. Naenda kwa tayarisha fasi. Et je reviendrai pour vous prendre. Nitarudi kuwabeba. Ça, c'est la troisième grande promesse. Nous sommes toujours dans l'introduction. Écrivez Saint-Esprit. Rome Takatif. Si vous lisez Louis II révisé, bon Louis II normal, même Louis II révisé. Louis II. Utunaka bananjika mamba Rome takatif. Quand on parle du Saint-Esprit. Ma traduction française. Dans les versions françaises. Beoneka na S munen. On écrit avec S majuscule. Na E munen. Et S E majuscule. Nuksa nini. Qu'est-ce que cela veut-il dire? On veut juste établir une différence. Parce qu'il y a aussi les esprits saints. Pourquoi Philippe on a dit? Il y a aussi les esprits saints. Tous les anges sont des esprits saints. Ce sont des esprits. Amen. Tous les anges. Ils font quoi différence? Alors, français. Alors ceux qui écrivent le français. En parlant, on ne sait pas le faire ressortir cette différence. Parce que dans la même Bible, il y a des endroits où on parle du Saint-Esprit et d'autres endroits où on parle de l'Esprit Saint. Saint-Esprit, Esprit Saint. Il y a une différence. Dans la, en parole, il n'y a pas de différence. Quand je vous dis Esprit Saint. Allez, je vois ça peut être un ange. Ça peut être celui-ci. Les traducteurs ont été troublés. Ils se sont dit, il faut qu'il y ait quand même une différence, même dans les écrits. Ils ont utilisent la lettre S majuscule. C'est la référence de tous les esprits. Amen. Saint. La référence même de la sainteté. En quoi référence y a butakatifu? Alléluia. Amen. Waouku saint. Toi tu es saint. Alléluia. Amen. Roya mungu na yo iko saint. Prix de Dieu aussi est saint. Mais quoi différence? Mais il y a une différence entre way entre toi na esprit ya mungu et l'esprit de Dieu. Souvent, je parle des degrés de sainteté. Les degrés de sainteté. Ça, c'est la référence de la sainteté. Alléluia. Donc, on a peine à vivre le butakatif, boyne, angara, quoi, tu veux vivre la sainteté, regarde à celui-là qui est saint. Voilà pourquoi on écrit S majuscule. Esprit. Ro. Banekana, yamunen. On écrit aussi en majuscule. Parce que ce n'est pas le seul esprit. Il y a beaucoup d'esprits. Même les démons sont des esprits. Les anges sont des esprits. Alors, pour établir la différence quand même. On écrit en majuscule. Celui-ci, c'est l'esprit créateur. Alléluia. L'esprit qui a créé tous les autres esprits qui puissent exister. Qui a créé même les anges. Oh, l'église du Seigneur Jésus. Vous savez que nous avons une promesse selon laquelle nous devons régulièrement voir les anges. Vous savez ça? C'est Jésus qui l'a dit. Donc, si nous ne les voyons pas régulièrement, ne consolons pas, nous devons les voir. Écoutez ce que dit Jésus. Nous sommes dans Jean, le premier chapitre. Jean, chapitre 1er. Le verset 51. Verset 51. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Je répète, en vérité, vous verrez. Vous verrez. Vous aussi, vous verrez. Qui dit ça? Jésus. Yes. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il y a un autre verset qui dit, là où deux ou trois se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Moi, je crois dans la véracité des versets. Donc, là où il y a les fils de l'homme, ceux qui sont présents, on a régulièrement les anges monter et descendre. Cette vérité s'est accomplie au temps des apôtres. Quand l'église a commencé, les frères étaient avec les anges. Pierre Armonaga Malaika. Pierre Armonaga Malaika avait vu Malaika Nengia en prison. Entre dans la prison. Brise les chaînes. La mouche, la moutoche. Le réveille et le fait sortir. Pierre, Pierre l'a vu. Paul. Paul. Aranza kona malaika. Il a vu les anges. Imisemo iritimizika. Ses paroles se sont accomplies. Il a dérangé le caméraman. Ça dérange le caméraman. Donc, baleba frère, baba ranza kona ba malaika. Ses frères voyaient les anges. Donc, si na shi, tu n'as pas cherché à dire la vérité. Nous aussi, nous devons admettre. C'est écrit. Mais indiqué quoi? Comme on est malaika kundoto, il faut na baona kwata ivi. Tu ne les vois pas dans le songe. Il faudrait que tu les vois comme mais, ça. Mais maombi yangu mien. Moi, ma prière. Na penda ta shikumoi. Je voudrais qu'un jour. Malaika moi na shuka pa muna mona. Que l'ange descende ici, que vous le voyez. Aina sema. Mais que tous le voyons. Ah bah c'est mes balles banon par ma vision, balé ni chibote. Vous verrez ni chibote. Mutaona. Ah mungu angu na utuka na chimambo tone ko tone clair. Que nous voyons. Ni chibote, vous verrez. C'est nous tous mutaona. Ah bah c'est balles banon zawadi akon. Pas seulement ceux qui ont les dons de vision. Vous verrez. Mutaona. Tamini kushukuma kunyumba. Je suis un jour à la maison. Malaika mwana ingia sa yambo. Non, Jean, yambo sa. Qui me salue. Habari mzuri. Dis comment ça va? On a tout qui a pu sa mbinguni. Je viens du ciel. Voilà. Bandu. Mes frères. Bible bana ndika ndwa nini? Pourquoi on écrit la Bible? Si nous j'ai tout vivre bien tout le bashakwanjika. Nous vivions tout ce qui est écrit. Il faut qu'éviter ma bouclisse pour moi à Bongo Bongo. Cette fausse foi chrétienne. Ya, on a dû contenter que ici verset flan. Il y a de vivre tel était notre verset par les autres. Totalité. La totalité de la parole que nous devons voir. Ah, Mungu onanishikia. À Dieu m'écoute. Ah, shikuma ni unafunja pa malaika mwana kuya pa na shikuma yambo yambo sana. Ils sont ici, des soins de salut. Kuna chatu na mimi nafurahi. Ils sont voir que je me réjouis aussi. Pourquoi? Jésus a dit. Tu sais développer ma image moi. Que ne développe pas. Ni mon malaïka. Certaines fois. Que je le vois. Ni Shimone. Que je ne le vois pas. Ni on a Yes. Je suis avec ni Abongo. Yes, on doit le sema. Jésus qui vous verrez. Mutaona. Il est à qu'on est au chat. Toi, ton verset là, tu le tires d'où? Il est des choses que je prie. Je conduis plusieurs personnes. Je leur dis comment ils prient. Et cette prière, c'est une fausse foi. Dis Dieu, agis en ma faveur. Que tu n'agisses pas. Je t'aime. Non, c'est faux. Si Dieu n'agit pas en ta faveur, tu ne lui appartiens pas. Ni si tu es lassé de la prière. Un dossier. J'attends le ciel. Admets que tu es fatigué ou bien que tu n'as pas de foi. Imaginez Mungu anakuonesha. Pensez donc, Dieu te dit. Philippe. Je vais te donner un emploi. Je vais te tirer de là où tu es. Je te $3,000 par mois. Un emploi où tu auras $3,000 par mois. Philippe dit à Dieu. Asamungu. Oh Dieu. À quoi cela sert-il? J'attends le ciel. Que tu me le donnes. Que tu me le donnes pas. Est-ce que je t'ai pas? Est-ce que je t'aime tant, oh Dieu? Non, tu mens. Ni incrédulité. C'est de l'incrédulité. Si Dieu parle, j'ai la joie. Si Dieu dit qu'il me donnera un enfant. Merci Seigneur, tu vas me donner un enfant. Santé point, n'a quoi n'a pas m'tot. T'as coupé pas m'tot, ouais. Je te donnerai un enfant. Baba. Père. Attends, pas. Même si tu me donnais. Attends, je même si tu me donnais pas. Mais tu réponds ainsi à Dieu. Tu penses avoir la foi. Chaou les mains à la musique. Tu es submergé par des fardeaux. Kama Mungu anasema. Si Dieu dit. Merci Seigneur. C'est ma santé bonne. Moi les anges je les verrai parce que tu as dit. Malaika tuwaona kwa sababu la sema. Je ne dirai jamais à Dieu. Je t'en bien Mungu asema. Que je le voie. Ni waone. Ou pas. Ni sibaone. Ma foi n'est pas liée à ça. Imani yangu lingane na ile. C'est une fausse foi que tu as. Imani ya bongo kwa. Jésus a dit. Yesu alisema. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit, il est un mounène. La lettre à majuscule. Ninjo a connu Jasema Yenjo et référence à ma esprit yote. Pour montrer qu'il est la référence de tous les esprits. Que Dieu soit glorifié. Mungu asifiwe. Écrivez encore. Il est impossible de l'étudier. Haiwezikane kumufunda. Comme on peut le faire avec la foi et les autres thèmes bibliques. Le Saint-Esprit ne peut pas être l'objet d'une étude. Comme Dieu, on ne peut pas l'étudier. Comme tu étudies l'arbre, j'ai déjà oublié les racines, quoi. L'anatomie, le tronc, la tige et les feuilles. Ma racine est égale à manjinanjina mingi mingi. Racine pivotante, bintoukane, michabissab. Voilà. Une tige. Ça, c'est la tige. Voilà. Une ma branche. Ce sont les branches. Mungu a ou tam funda vide. Tu ne vas pas ainsi. Ou tam dessiner, je. Comment tu vas le dessiner? Je veux le narom tagatif na ye. Il en est de même du Saint-Esprit. Tuezi kumu funda. Nous ne pouvons pas l'étudier. Amen. Amen. Là. Nous allons le laisser parler. Il va nous dire ce qu'il est. Moi, je ne suis qu'un instrument. Voilà pourquoi le message est clair. Utafunda. Alléluia. Chibote pamoya. Tous ensemble. Rome takatif atatonesha qui le echo. L'Esprit nous dira qui il est. Imashikote aranza kutonesha imani ni nini. Alléluia. Nous disait ce qu'est la foi. Mutumishi wa Mungu ni nini. Est-ce que un serviteur. C'est ça, on a décidé de retourner chez Yekonani. Maintenant, il décide de nous dire qui il est. Amen. Yekonani. Qui il est. Dieu m'a fondé, je suis tout dans un lèvre. Je suis bon, tout dans du soumettre. Nous commençons aujourd'hui, nous tous nous allons nous soumettre. J'ai déjà donné cet enseignement. Mais les gens qui l'étaient, ils m'ont fondé, je beaucoup de reprises. Makani Saming. Beaucoup d'églises, beaucoup de reprises. Namara Ming, Makani Saming. Mais Dieu m'a dit que je dois comment reprendre. Moi, il m'a dit que je dois reprendre. Quoi, à écrire. Je prends un nouveau cahier. Nami minandika Saint Esprit. Voici j'écris le Saint Esprit. Minanzana mikoni. Tu connais pas moi. Tu connais pas moi. Et nous évoluons. Yo, tu m'as wandika mina yego mpembe. Tout ce que j'ai déjà écrit, j'ai mis de côté. Alléluia. Donc nous allons tous. Malaki pa moja. Entendre. Tout à sikia. La voix de l'Esprit du Seigneur. Sauti ya ro ya bwana. Il va nous dire qui il est. Atatwambia ye ekonani. Et nous allons vivre des merveilles ensemble. On va vivre les manifestations du Saint-Esprit ensemble. Il y a ceux qui vont recevoir les dons pendant qu'on enseigne. Parce que quand le Saint-Esprit parle, c'est Dieu lui-même qui parle. La parole de Dieu, quand elle sort, c'est pour accomplir toute la mission. C'est pour consoler ses enfants. Donc, tout à l'heure, c'est que nous vivons de grandes choses. J'ai vu ça. Je crois en ça. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de l'enseignement.